بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc alhamdulillah, on poursuit l'explication de Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama. On avait débuté Kitab al-Zaka, on avait expliqué donc l'introduction, et on a fait la semaine dernière le chapitre Babu Zakat al-Sa'ima, donc le chapitre concernant la zakat de la bête de pâturage. Et cette semaine, inchallah, on commence le nouveau chapitre qui est, il dit rahmatullah alayh, babu zakat il kharij min al-ard. Donc le chapitre concernant la zakat de ce qui sort de la terre. Il dit rahmatullah alayh wa huwa naw'an. Donc al kharij min al-ard, ce qui sort de la terre, est de deux types. Ahaduhuma, le premier, an-nabat. An-nabat, ça va être donc les plantes. Et le deuxième, ça va être al-ma'adin. Al-ma'adin, qui vont être les minéraux. Donc wa huwa naw'an, il est de deux types, ahaduhuma an-nabat, les plantes. Wa min al-adillati 'ala wujubiha fi, donc parmi les preuves de l'obligation de sortir ce qui sort de la terre en termes de végétaux. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih, et donner son droit, c'est-à-dire la zakat obligatoire, yawma hasadih, le jour des récoltes, sourate al-an'am, les bestiaux, verset 141. Donc ce qui est planté et qui sort de la terre, on doit donc donner la zakat de cette chose-là le jour où on fait les récoltes. Quand on dit le jour où on fait les récoltes, à partir de ce moment-là, on verra à quel moment précis ça devient obligatoire. Donc est-ce que c'est tout ce qui sort de la terre, tout ce qui est planté dans la terre pour lequel on doit sortir la zakat? La réponse est non, il y a des conditions auquel doit répondre ce qui a été planté. Donc il dit rahmatullah alayh, fatajibu az-zakatu minhu fi kulli habbin wa thamarin yukalu wa yuddakhar. Donc la zakat est obligatoire pour tout grain, fi kulli habbin, donc pour tout grain, wa thamarin yukalu wa yuddakhar, et pour tout fruit qui est mesuré, que l'on mesure par al-kayl, on va voir ce que c'est, wa yuddakhar, et qui peut être conservé. Donc dans les grains, la zakat, elle est obligatoire de manière absolue. Car tous les grains, de manière générale, ils peuvent être conservés. Et on les mesurait au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Et concernant al-thamar, les fruits au sens botanique, pas au sens coutumier, là, comme on en parle, wayukel, et qui peut être mesuré, c'est-à-dire qu'on mesurait au temps du prophète alayhi salatu wassalam par le moud, hein, par la poignée du prophète alayhi salatu wassalam, et donc par le sa', qui est quatre poignées du prophète alayhi salatu wassalam. Wayuddakhar, quand je dis poignée, c'est la contenance de deux mains, quand je dis poignée. Wayuddakhar, et qui peut être conservé longuement, comme le raisin sec par exemple, comme l'abricot sec. Et toutes sortes donc de fruits, entre guillemets fruits, qui peuvent être conservés, il y a zakat pour cela. Donc il faut ces deux conditions dans le fruit, dans son sens général. Un yukel, qu'il soit mesuré, donc qu'il ne soit pas vendu à l'unité, ou qu'il ne soit pas vendu au poids, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et il faut qu'on puisse le conserver, et la conservation prise en considération, c'est celle du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. On ne prend pas en considération la congélation actuelle, la réfrigération qui existe aujourd'hui. Ça, ce n'est pas pris en compte. Donc, les bananes, par exemple, on ne sort pas de zakat pour les bananes, ni pour les oranges, ni pour les pommes. Hein, pour les deux raisons. Parce que l'ayoukel, on ne mesure pas ça au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce n'était pas quelque chose que l'on mesurait par la contenance pour vendre. Et de même, l'ayoudakhar, on ne conserve pas ça de manière générale. Donc si c'est quelque chose qui est pesé, ou bien que l'on vend en nombre, hein, qu'on achète comme ça en nombre, j'en voudrais 3, 4, 5, hein, ça c'est quelque chose pour lequel on ne sort pas la zakat. Ici on parle de ce qui sort de la terre, hein, en termes de culture. Donc si jamais ça c'est mis en vente, on avait dit que pour la marchandise, il y a zakat pour tout, hein, pour toute marchandise. Là on ne parle pas de celui qui a des bananes, qui a des oranges, qui a quelque chose qui à la base on n'en sort pas la zakat, lorsque c'est la culture, mais il l'a en tant que marchandise. Donc là, maintenant, il y a zakat, mais zakat, urud al-tijara, que l'on verra donc dans deux chapitres. Bi-iznillahi azza wa jalla. Donc, concernant les grains, on aura al-bur, le blé, al-sha'ir, Ashair, l'orge. Elle arrose le riz. Al-Dhurra, le maïs. Al-Habbatu Sauda, la graine noire qui est connue. Tout cela, on sort le café aussi. On sort la zakat pour cela. Et concernant Al-Thamar, concernant les fruits entre guillemets, ce qui est bien connu, c'est les dattes. Les dattes, c'est conservable, ça se conserve. Donc, les dattes, on sort la zakat pour ce type-là. Aussi pour Al-Tin, la figue. Pour la figue, parce que c'est quelque chose qu'on peut assécher et conserver, ça peut rester très longtemps. Pour les prunes aussi, parce que ça se transforme après en pruneaux. Pour le raisin, car on en fait ensuite des raisins secs. Donc, de manière générale, la règle générale, pour ce qui est mesuré et conservable, que ce soit en grains comme en fruits, on doit sortir la zakat pour cette chose-là. Et il n'y a pas de divergence donc sur ces deux types-là. Après, il y a divergence sur certaines unités. Par exemple, est-ce que l'on sort ou pas la zakat pour le raisin? Est-ce qu'on sort ou pas la zakat pour l'olive? L'olive aussi, on sort la zakat pour l'olive, selon la vie choisie. Il y a divergence sur certaines unités. Mais sur ces deux types-là, qui sont les grains et al-thamar, les fruits, les savants sont en accord qu'on doit sortir la zakat. Et on se base dans quelle est la preuve de cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ô vous qui avez cru, dépensez. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Dépensez donc des bonnes choses que vous gagnez. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Et de ce que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Donc ce qui sort de la terre, il y aura, comme ici on a vu, grains et fruits, et il y aura aussi les minéraux. Les deux catégories entrent dans ce verset-là, qui se trouve dans Sourate Al-Baqara. Il dit ensuite, « إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْدِهِ » Si jamais ça sort de sa terre, si jamais ces choses-là sortent de ta terre à toi, que tu possèdes, alors la zakat est obligatoire pour toi. Donc la zakat est obligatoire pour l'individu, concernant ce qui sort de la terre, lorsque c'est sa terre à lui. Ou bien lorsqu'il est moustajir, lorsqu'il la loue pour la cultiver. Et quel est l'intérêt de ceci? C'est si jamais tu achètes une terre qui a déjà sur elle des fruits, mais que l'obligation de la zakat concernant ces fruits a été présente avant que tu ne contractes donc la vente ou bien l'achat, alors la zakat revient de droit de manière obligatoire au vendeur et non pas à toi qui es l'acheteur. Il dit donc wahwa naw'an. Donc ce qui sort de la terre est de deux types. Ahaduhuma an-nabat. Le premier, donc an-nabat, la végétation. Fatajibu az-zakatu minhu fi kulli habbin wa thamarin yukalu wa yudakhar. La zakat est obligatoire pour tout grain et fruit que l'on peut mesurer et conserver. Idha kharaja min ardihi. Si jamais il sort de sa propre terre. Wa balagha khamsata awsuq. Et que donc cette quantité qui sort de la terre atteigne khamsata awsuq. Donc là on a vu le statut de ce qui sort de la terre, on a dit que c'est obligatoire. Donc c'est même un pilier de l'islam, ça rentre dans la zakat. Quel est le seuil? Le seuil à partir duquel il y a obligation de la zakat. Si je plante un arbre et qu'il me donne quelques dattes, un dattier par exemple, est-ce qu'il y a zakat? À partir de quel moment est-ce qu'il y a zakat obligatoire? C'est lorsque on atteint khamsata awsuq, qui est une unité de l'époque du prophète alayhi salat wa salam. Khamsata awsuq et al-wisq sittuna sa'a. Il le dit lui-même dans son épître, le wisq c'est 60 sa'a. Et le sa'a c'est combien de moud? Le sa'a c'est arba'atu amdad, c'est 4 moud. Et le moud pris en considération, c'est al-moud de Nabawi. Donc c'est deux mains unies, ouvertes, du prophète alayhi salat wa salam. Donc le moud du prophète alayhi salat wa salam, multiplié par 4, c'est un sa'a. Et 60 sa'a, c'est un wisq. Et 5 wisq, c'est le seuil à partir duquel on doit sortir la zakat de ce qui sort de la terre concernant ce premier type-là, concernant les grains et les fruits. qui sont mesurables et conservables. Donc ça va faire combien de moutes dans tout? 1200. 1200. Donc 5 aoussour, c'est 1200 moutes. 1200 moutes. Certains savants, même dans les contemporains, ils ont donné l'équivalent en kilos. L'équivalent en kilos du moud du prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt du sa. Mais en réalité, suivant le fruit, suivant le grain, on n'aura jamais le même poids. Donc donner comme ça des équivalences, Allahu a'lam, ce n'est pas authentique, sauf si on donne une équivalence pour chaque type de fruit, et encore pour chaque variété, parce que même les dattes, même une fois séchées, elles n'ont pas le même poids à même mesure. Donc il y a certaines équivalences. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi lui dit 2 kilos et 40 grammes pour un sa', ce qui fait 510 grammes pour un moud. Mais là souvent c'est pour l'orge, pour le blé, pour l'orge qu'il donne ces équivalences là. Mais il est certain que un sa' de blé, c'est pas un sa' de date. 2 kilos 40 de date, ce n'est pas le même volume que 2 kilos 40 de blé ou d'orge. Donc ces équivalences, Allah alam, celui après qui a des champs, avec l'expérience, à lui de faire ses propres équivalences, hein, en fonction des dates qu'il a, il prend lui-même un sa' et il le pèse. Et après il peut sortir l'équivalent en kilos, voire après c'est même en quintal, en tonnes. Pareil après pour les abricots secs, pareil pour les raisins secs, etc. Donc il dit, وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُخُ. Une fois que donc ce sortant de la terre a atteint 5 aoussouq, la zakat devient obligatoire. لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ فِي حَبٍ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُخٍ. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, il n'y a pas dans le grain et ni dans la date de sadaqa, donc de zakat, jusqu'à ce qu'il atteigne 5 aoussouq rapportés par muslim. Il dit ensuite, وَالْوِسْقُ سِتُونَ سَعَ. Et le wisq, c'est سِتُونَ سَعَ, c'est 60 sa'a. Donc les 5 aoussouq qui sont le seuil, ce sera 300 sa'a. Ce sera donc 1200 mout. Le seuil. Lui, là, il parle du wisq. Al-wisqu situna sa'a. Le wisq, c'est 60 sa'a. Le seuil, c'est 5 wisq. Donc le seuil, il sera à 300 sa'a. 300 fois 4, 1200 mout. 1200 mout. Contenance des deux mains du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont des mains moyennes, pas trop petites et pas trop grandes. Et donc le fait que le seuil soit à situna sa'a, il y a consensus là-dessus. Et on a d'ailleurs le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, lui, il donne l'équivalent du sa'a par rapport à une unité de son époque. Il dit, wa sa'a ratlun bid dimashqi wa uqiyatun wa khamsatu asba'i uqiyah. Bon, nous, tout ça, on le met de côté, parce que c'est aujourd'hui des unités qui ne sont pas utilisées. Donc, on a compris, par rapport à l'unité du prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport à la mesure du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et après, à chaque personne, donc, de mesurer, ne serait-ce qu'un sa', et après, de multiplier par ce qu'il doit sortir. On verra comment tu dois sortir. Lorsque tu as tout un champ de blé, comment est-ce que tu vas évaluer ta zakat, ça, on le verra ensuite. فَجَمِيعُ النِّصَابِ مَا قَارَبَ 342 رَتْلًا وَسِتَّةَ أَسْبَاعِ رَتْلًا. Donc il dit, le nisab, c'est ce qui correspond environ à, et il donne ensuite une unité de son époque, mais on la passe, wallahu a'lam. Il dit ensuite, donc, وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسُّيُوحِ. Et il est obligatoire de sortir le dixième. Donc là, il va nous parler de quelle est la quantité à sortir. Quelle est la quantité à sortir? Donc on avait vu le seuil pour le chameau. Le premier seuil, c'est 5 chameaux. Et qu'est-ce que l'on doit sortir? C'est un mouton. Le deuxième seuil, c'est 10 chameaux. Qu'est-ce que l'on doit sortir? 2 moutons. Donc là, le seuil pour le sortant de la terre, qu'il soit grain ou fruit, c'est quoi? C'est 5 aoussouq. C'est 5 aoussouq. C'est donc 300 sa'a. Une fois que j'atteins 300 sa'a, qu'est-ce que je dois sortir? Donc il y a le seuil que je dois atteindre, mais il y a ensuite la quantité à sortir. C'est pour ça qu'il dit, وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِي مَا سُقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسُّيُوحِ. Il est obligatoire donc de donner le quota que l'on doit sortir, c'est le dixième. Donc le dixième de la récolte. Fima suqiya min as-sama. Donc ça, ce n'est pas absolu. Le dixième, c'est lorsque ça a été donc arrosé par la pluie, par ce qui descend du ciel. Ou bien as-suyuh, c'est l'eau qui se trouve au niveau de la terre, les ruisseaux par exemple. Si jamais donc l'eau qui sert donc à la culture de mes grains et des fruits provient du ciel ou bien de la terre de manière entre guillemets naturelle, c'est-à-dire sans qu'il y ait une intervention humaine, sans qu'il n'y ait de dépenses pour cet arrosage-là, alors c'est le dixième que je dois sortir. C'est le dixième de ma récolte que je dois sortir. Et il dit « Wa nisful ushri fi ma suqiya bi kulfatin kad-dawali wan-nawadih » et la moitié du dixième, donc la moitié du dixième, c'est-à-dire le vingtième, 5% pour ce qui a été arrosé avec dépenses, avec intervention humaine, que ce soit physique ou bien financière. Il dit « Kad-dawali wan-nawadih » Kad-dawali wa hiya ad-dawalab alladhi yudiruhu al-baqar. Donc c'était des formes d'arrosage à travers lesquels on utilisait la vache, donc c'était de l'eau qui était portée sur la vache et qui tournait et qui arrosait le champ. C'est des choses qui étaient utilisées anciennement ou peut-être aujourd'hui encore dans certains pays. Il dit wan-nawadih wa hiya al-hayawanat allati yustakhraju biha al-ma'u min al-abar aw al-anhar wa mithluha ma yusqa bil-maka'in. Il dit donc an-nawadih, ce sont les animaux par lesquels on sort l'eau des puits, ce sont souvent des chameaux ou autres. Awil anhar, ou bien on se sert aussi de ces animaux-là pour aller chercher l'eau dans les ruisseaux. Donc même si cette eau, je ne l'achète pas, elle passe à côté donc de mon champ, mais mon champ n'en profite pas directement. Pour que mes arbres, ou mes plants, etc., ma végétation de manière générale, ma culture profite de cette eau-là, je fais intervenir une bête, je vais avec des seaux chercher cette eau-là pour revenir et arroser. Il y a intervention humaine. Et aussi intervention de la bête. Donc à ce moment-là, je ne suis pas au dixième. Donc le quota que je dois sortir, c'est le vingtième. Donc 5%. Et de même, ce qui est utilisé aujourd'hui, donc le goutte à goutte, là. Le tuyau d'arrosage pour celui qui aurait des arbres chez lui. Le fait d'utiliser un tracteur avec lequel derrière il y a de l'eau qui est expulsé dans le champ, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ce qu'on se rappelle, c'est que lorsqu'il y a donc dépenses financières, ou bien même physiques, je vais avec mon seau d'eau à la rivière et je reviens pour arroser ma culture, alors à ce moment-là, c'est le cinquième, c'est le vingtième, 5%, et non plus 10%, qui est le quota que l'on doit sortir. Et ça, on le trouve dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il se trouve dans Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant ce que le ciel a arrosé أو كان عثريا ou bien qui a été arrosé de manière naturelle العشر le dixième وما سقي بالنضح نصف العشر et ce qui a été donc arrosé بالنضح bon là c'est donc manuellement avec intervention humaine ou animale, financière, nisful ushur, donc le 20e, c'est-à-dire 5%. Wa hadha mujma'un alayh, et il y a consensus là-dessus. Donc, qu'est-ce que l'on retient pour l'instant? Que ce qui sort de la terre est de deux types. Là, pour l'instant, on a vu le premier. On a vu deux sous-catégories. La première, le grain. La seconde, voilà, les fruits. Qu'est-ce qui est considéré donc comme type de fruits, on ne dit pas de grains parce que tous les grains entrent dans cette catégorie-là au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Pour la zakat, on considère ce qui est mesuré. Donc les grains, ils ne sont jamais vendus à l'unité. Je voudrais un grain de blé ou un grain de riz. Un grain de riz, ça n'existe pas ça. Donc les grains, ils sont toujours mesurés. Mais concernant les fruits, ce qui est mesuré et ce qui est conservable. Donc ça, ce sont les premières conditions. Ensuite, quel est le seuil à partir duquel lorsque j'ai donc cette quantité de grains ou bien de fruits que je dois donc sortir la zakat. Quel est le seuil? Naam. Donc c'est 5 awsouq. 5 awsouq, c'est situna sa'a, c'est 1 wisq. Donc 5 awsouq, c'est 300 sa'a. D'accord, 300 sa'a. 1 sa'a, c'est l'équivalent de 4 contenances des deux mains du prophète alayhi salatu wassalam, ou si tu veux, dis 2 mains moyennes. La quantité que je dois sortir pour la zakat, si jamais c'est arrosé de manière naturelle, donc que ça descend du ciel, la pluie, ou bien au niveau du sol. Ça peut être lac, ça peut être rivière, ça peut être ruisseau, nappe phréatique, etc. Une source qui descend des roches et qui ensuite coule dans mon champ, etc. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois sortir ? 10%. Voilà, le dixième, 10%. El-Ushur. Et si jamais c'est arrosé avec une intervention humaine, donc physique ou financière, c'est 5%, le vingtième. Il dit ensuite, donc là il va nous parler de à quel moment est-ce que la zakat elle devient obligatoire ? À quel moment elle devient obligatoire ? Il dit « وَإِذَا بَدَ الصَّلَاحُ فِي الثِّمَارِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ وَجَبَتِ الزَّكَاةِ » Et lorsque, dans les fruits, il apparaît « as-salah », ça veut dire qu'il est bon, qu'il est mûr. « وَاشْتَدَّ الْحَبُّ » et que le grain devient dur, « وَجَبَتِ الزَّكَاةِ » Donc concernant les fruits, après ça demande de l'expérience. Là, c'est des règles générales qu'on donne. Mais concernant le fruit, « boudou » ou « salah », c'est lorsque le fruit a une qualité qui permet de voir qu'il va continuer de croître, de mûrir, et qu'il va ensuite arriver, entre guillemets, à bon port. Et donc, suivant chaque fruit, les savants, rahmatullahi alayhi, donnent des qualités. Ils disent, par exemple, pour la date, « an yahmarra aw yasfar », c'est qu'elle rougisse ou bien elle jaunisse. « Fil inab an yakuna layinan hulwa », pour le raisin, c'est qu'il devient doux et qu'il devient houlouan sucré. Donc ça, après, la personne sait à quel moment est-ce que le fruit a plus ou moins mûri. Quand on veut dire mûri, c'est pas mûri comme les gens pensent aujourd'hui. Ça, c'est un fruit mûr. Non. Quand on dit mûri, c'est pas dans le sens où il est mûr comme les gens le disent aujourd'hui lorsqu'ils veulent acheter des fruits mûrs au marché. C'est-à-dire que le fruit, il a passé un stade qui montre qu'il ne va pas maintenant tomber où il ne va pas croître, qu'il est malade, etc. Que c'est un bon fruit. Donc concernant le grain, c'est lorsqu'il devient dur. Lorsqu'il n'est plus vert et qu'il a durci et que lorsque on appuie avec nos doigts, il ne se casse pas. Il ne se casse pas. Donc à ce moment-là, la zakat devient obligatoire. À ce moment-là, c'est là que la zakat devient obligatoire. Mais quand est-ce que tu es obligé de la sortir ? Quand est-ce que tu es obligé de la sortir ? C'est lorsque il est mis dans l'endroit, donc nous on va appeler ça l'entrepôt pour aujourd'hui, c'est lorsque ces fruits-là, ou bien ces grains-là, sont mis dans l'endroit où ils vont être purifiés ou bien asséchés, si jamais ce sont des fruits que l'on assèche. Donc l'entrepôt où on les réunit. Et quel est l'intérêt de cela ? C'est si jamais ils disparaissent entre le moment où la zakat devenait obligatoire et le moment où tu les as mis dans l'entrepôt, si tu n'as pas fait de négligence, hein, si tu n'as pas négligé, tu n'as pas mis trop de temps, et là on revient vers l'urf, c'est-à-dire la coutume générale, hein, pour juger est-ce que la personne a négligé ou pas. Alors à ce moment-là, on te les a volés, bien il y a eu de la grêle qui les a détruits, ou autre, un nuage d'oiseau qui est venu et qui a tout mangé, etc. À ce moment-là, tu n'es pas redevable donc de réparer cela. En revanche, si tu as mis du temps, tu as négligé, par exemple, tu avais enlevé tes fruits, tu les as mis sur tracteur, sur palette, et tu sais qu'il y a des voleurs, et tu négliges, tu ne mets pas quelqu'un pour surveiller, ou autre, alors que tu aurais pu simplement démarrer tes tracteurs et les mettre dans l'entrepôt, rentrer, tu as dit, oh, je suis fatigué demain, Inch'Allah, et tu sais qu'il y a un danger de vol et que le lendemain tu viens, on les a volés, tu dois à ce moment-là réparer et sortir la zakat. Donc, le shari'h, l'explicateur ici dit « وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إِلَّا بِجَعْلِ الْحَبِّ أَوِ الثَّمَرِ فِي مَوْضِعِ التَّجْفِيفِ » Donc, l'obligation ne devient donc réellement stable que lorsque le grain ou bien le fruit est mis dans l'endroit où ils sont asséchés. C'est ce qu'on appelle « al-baydar » en arabe. Et là-dessus, il y a ijma', il y a consensus. Ibn al-Mundhir, aussi Ibn Abd al-Barr, ils ont des paroles semblables. Ajma'a ahlul ilmi ala anna al-kharisa idha kharasa al-thamr, anna al-kharisa idha kharasa al-thamr, ثم أصابته جائحة قبل الجذاد فلا شيء عليه. Il dit que les savants sont en accord unanime que Al-Kharis, on verra, c'est celui qui estime combien est-ce que tu dois sortir. Lorsqu'il fait son estimation des fruits et que ensuite, donc quelque chose l'a atteint, donc avant qu'il soit mis dans l'entrepôt, il n'y a rien donc pour la personne, pour le propriétaire. S'il n'a pas négligé. Donc Al-Kharis, qu'est-ce que Al-Kharis ? Dans un état musulman, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui-même faisait cela, il a enlevé, il a envoyé Al-Kharisoun. Ce sont les gens qui sont envoyés donc, par l'État, par le prophète, alayhi salatu wasalam, après lui par les califes, et ensuite par les gouverneurs qui appliquent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la saison des récoltes arrive, ils sont envoyés et ils estiment sur les arbres ou bien en regardant les grains quelle est la quantité que la personne devra sortir. Donc environ combien de haoussouk la personne a. Ils regardent et ils estiment. Et les gens d'expérience, comme ont dit certains savants, Mohamed ibn Mohamed Mokhtar Shankit, il dit dans son charh de Umdat al-Fiqh, de Kitab al-Zakat, il dit que son père, il avait beaucoup de dattiers. Et qu'il y avait des kharis différents estimateurs qui venaient, et tous ils donnaient quasiment à l'unité près la même estimation. Et si jamais tu n'es pas dans un état musulman, donc qui envoie al-kharisoun, les estimateurs, pour te dire qu'est-ce que tu dois sortir, tu le fais toi-même. Tu le fais toi-même. Si tu es quelqu'un vraiment d'expérimenté, tu estimes. Ou sinon, et aujourd'hui c'est très facile parce que les gens pèsent ce qu'ils ont. Ils mettent en cagette, hein, et après ils savent très bien combien ils ont, à peu près 2 tonnes ou autre. Donc ils savent, il suffit de mesurer un sa de la variété du fruit ou bien du grain que tu as pris. Ton blé, il est sous forme de sac. Donc un sa de blé, tu vois à peu près donc combien est-ce que tu as de haoussouk, de blé, et tu sors ensuite ce que tu dois sortir, le dixième ou bien le cinquième. Et de même pour les fruits comme dattes, olives, prunes, abricots aussi, selon l'avis que l'on choisit, parce que ça peut être asséché. Il dit ensuite, voilà, yakhrujul habba illa musaffa, et il ne doit sortir le grain que épuré. Donc le grain, que ce soit le blé, l'orge ou autre, on ne doit pas le sortir avec son épi, avec tout ce qui est accroché. On doit voir que du grain. Donc lorsque l'on mesure nos grains, on doit les mesurer épurés et non pas avec tout ce qui pourrait être accroché. Wala thamara illa yabisa. Et les fruits, c'est une fois qu'ils sont secs. C'est une fois qu'ils sont secs qu'on les sort et qu'on les mesure aussi. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Attab ibn Usayd radiyallahu anhu qui a dit: Amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yukhrasa al-'inab kama yukhrasu az-zar' wa tu'khadhu zakatuhu zabiban kama tukhraju zakatu an-nakhl tamra. Rawahu Abu Daoud wa at-Tirmidhi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que le raisin soit estimé tout comme est estimé le grain, et que sa zakat soit sortie zabiben, qu'elle soit sortie en raisin sec. Il n'a pas dit qu'elle soit sortie en raisin frais. Mais il faut que la zakat du raisin soit sortie en raisin sec. Kama tukhraju zakatu an-nakhli tamra, tout comme la zakat de la date doit être sortie tamran. Parce que at-tamr en arabe, c'est pas ce qui est dans l'arbre. Ce qui est dans l'arbre, c'est al-balah. Et une fois que c'est asséché, ça devient du tamr. Nous, c'est date en français. Dans l'arbre, c'est de la date. Une date sèche, c'est une date aussi. Mais en arabe, non. Le mot tamr, c'est une fois qu'il a été séché, qu'il n'est plus sur l'arbre. Même quand tu le sors de l'arbre et qu'il est encore accroché à ses branches et qu'il est... vous avez vu là, comme ce qu'on aime bien, nous, mielleux là. Et ça, c'est ar-rotab. C'est ar-rotab, c'est pas at-tamr. Ar-rotab. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, aimait rompre son jeûne à la rotaibet, elle dit Aïcha, radiallahu anha. Il aimait rompre avec des dattes qui sont encore fraîches, qui ne sont pas sèches. Fa in lam yajid ala tumayrat. Et s'il ne trouvait pas, alors des dattes sèches. Les dattes qui sont sèches, tu les ouvres, là, elles ne collent plus, elles sont plus mielleuses. Là. Il y a plus de... Ça, c'est at-tamar. Il dit wala zakat fi ma yaktasibuhu min mubah al-habb wa al-thamar. Et il n'y a pas de zakat hein, concernant ce que la personne obtient comme grain licite ou bien comme fruit licite. Donc si jamais quelqu'un te donne des fruits, hein, il te donne une tonne de fruits, tu sors zakat pour cela. Toi tu veux en garder plein et tu veux en donner beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors zakat pour cela? Non. Parce que lorsque le moment d'obligation de la zakat, il est apparu, tu n'étais pas propriétaire. Tu n'étais pas propriétaire. Et c'est quand que la zakat devient obligatoire? Lorsque le fruit est mûr sur l'arbre, bien le grain. Mûr, vous avez compris quand je dis mûr. C'est un stade où on sait qu'il va survivre et arriver à bon port. Donc celui qui prend des grains, ou bien qui prend des fruits, d'une terre qui n'a pas de propriétaire. D'une terre qui n'a pas de propriétaire. Quelqu'un, il va cueillir, par exemple, des abricots dans la nature. Il va cueillir des raisins qui pousseraient comme ça dans la nature. On aimait, tout simplement. Est-ce qu'il doit sortir la zakat pour tout cela? Non, car ça ne lui appartient pas. Et ça, c'est une condition, que toi, tu sois le propriétaire des biens. De même, ce que les gens laissent après avoir ramassé, etc., ils abandonnent des fruits, ils abandonnent des grains. Et celui qui vient et qui prend cela, il ne doit pas sortir la zakat, même si ça atteint 5 aoussourk. Même si ça atteint 5 aoussourk, il n'y a pas de divergence là-dessus. وَلَا زَكَاتَ فِي مَا يَأْخُذُهُ أُجَرَةً لِحَسَادِ. Et il n'y a pas de zakat dans ce que la personne prend comme salaire pour sa récolte. Donc là, on parle de celui qui est embauché, qui travaille pour quelqu'un, et donc en échange du travail fait, on va lui donner donc un type de fruit ou de grain pour lequel il y a zakat à la base, pour le propriétaire. Est-ce que lui devra sortir la zakat si jamais son salaire atteint ou bien dépasse 5 aoussourk d'un fruit ou d'un grain pour lequel il y a zakat? Non. Non, parce qu'il n'était pas propriétaire de cette chose-là lorsque la zakat est devenue obligatoire pour lui. Donc la preuve de tout ce qu'on a dit avant, c'est ça. C'est parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires de ces grains ou de ces fruits. Donc la zakat est obligatoire pour la personne qui les possède au moment de la maturité. Lorsque le grain est dur, ne se casse pas, lorsqu'on appuie dessus, ou lorsque le fruit a une caractéristique, on a vu la caractéristique du raisin, la caractéristique de la date, etc. Il dit ensuite... وَلَا يُضَمُّ صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. Et on ne doit pas donc additionner un type de grain, donc du grain, avec des fruits pour pouvoir compléter le nisab. Donc si j'ai 30, si j'ai 2 whisks de maïs et j'ai 3 whisks de raisin, ça fait 5 whisks ça en tout. Est-ce que je les additionne et je sors la zakat ensuite? Non. Parce que ce sont deux types différents. Tout comme on n'additionne pas les chameaux et les vaches pour sortir la zakat, ou bien les vaches et les moutons pour sortir la zakat, on avait vu cela. Donc lorsque ce sont deux types différents, on n'additionne pas. Et ça c'est la parole de la majorité. Ibn al-Mundhir, il a rapporté l'ijma' que l'on ne peut pas donc additionner les dattes aux raisins. Concernant le reste, il y a divergence, mais la majorité écrasante dit que non, et c'est l'avis que l'on choisit. Il dit illa an yakuna sinfan wahidan mukhtalaf al-anwa' kat-tumur fa fihi az-zakat. Il dit sauf si c'est un même type avec des variétés différentes. Si c'est un même type avec des variétés différentes, alors on doit additionner pour sortir la zakat. Donc un type de date, par exemple des deglettes d'Algérie avec des majhoul, un j'ai 3 whisks de deglet et j'ai 2 whisks de majhoul qui à la base ne sont pas donc le même type que deglet, mais ça rentre dans la même famille, le même type, qui sont des dattes. Donc là j'additionne et j'arrive à 5 whisks et je dois sortir ma zakat qui est de 5. ça dépend comment c'est arrosé. Naturellement 10% et par intervention humaine, donc financière ou bien ou bien physique, 5%. Il dit وَيُخْرَجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَ. Et la personne doit faire sortir donc pour chaque type, sa propre part de la zakat. Sa propre part. Donc tu dois sortir une partie de deglet algérienne et une partie de mejhoul, et non pas que du mejhoul ou bien que du deglet. Il dit وَإِنْ أَخْرَجَ جَيْدًا عَنِ الرَّدِي إِجَازْ وَلَهُ أَجْرُهُ. Mais si jamais il sort la meilleure variété, au lieu de sortir un peu de bien et un peu de variété inférieure, il sort que de la bonne variété, il dit jaz, il dit ceci, est permis, walahu ajruhu, et il aura une récompense. Mais le contraire, c'est permis de sortir que la variété inférieure et laisser de côté la bonne variété, non, ce n'est pas permis. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, an-naw'u thani, le deuxième type, al-ma'din, donc le minéral, les minéraux. Donc là, c'est le deuxième type de ce qui sort de la terre. Donc, concernant al-ma'adin, les minéraux, il va être obligatoire de sortir la zakat, car c'est un sortant de la terre et ça entre dans le caractère général du verset cité de al-Baqara qu'on avait dit tout à l'heure et que je répète. Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, anfiqou min tayyibati ma kasabtum, dépensez des bonnes choses que vous avez obtenues, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, et de ce que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Surat al-Baqara, verset 267. Il dit rahmatullah alayhi, faman istakhraja min ma'danin nisaban min al-dhahabi aw al-fidda. Il dit celui qui extrait donc comme minéral le nisab, donc l'équivalent du seuil d'or ou d'argent, donc on verra c'est 85 grammes d'or pur, donc le 24 carats, ou bien 595 grammes d'argent, on verra ça dans la prochaine porte Bab Zakat al-Athman concernant les monnaies. Donc si jamais ce que je sors, on va voir qu'est-ce que l'on peut sortir. Si jamais ce que je sors a l'équivalent donc d'un des deux nisab, et on prend toujours le nisab inférieur, le seuil inférieur. Bon, je ne sais pas si dans l'histoire, le seuil de l'argent a déjà dépassé le seuil de l'or, mais on prend toujours le seuil inférieur, car ça permet de concrétiser le droit des pauvres. Mais si on reste toujours au seuil de l'or, hein, on a beaucoup moins de gens qui sont redevables de la zakat. Alors que si on prend le seuil de l'argent, alors il y a plus de personnes qui sont redevables de l'argent. Et ici on raisonne par qiyas, par raisonnement analogique sur le seuil de l'or et de l'argent. Donc on prend le moindre. Il n'y a pas de raison qu'on dise on prend que celui de l'or. Ou bien on prend que celui de l'argent. Non, on prend celui qui est inférieur parce que c'est plus à même de concrétiser le droit des pauvres. Et dans les monnaies, c'est pareil. On verra là les pièces aujourd'hui et les billets. Pourquoi est-ce qu'on prendrait le seuil de l'or, point, et pas celui de l'argent, ou bien celui de l'argent et pas celui de l'or? Donc on prendra le seuil inférieur, et actuellement c'est l'argent. Et le seuil de l'argent c'est 595 grammes, et le gramme en ce moment il a 34 ou 40 centimes, quelque chose comme ça. Donc il dit فَمَنْ اِسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدَنِ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ. Celui qui extrait donc comme minéraux l'équivalent du seuil de l'or ou bien de l'argent, il est obligatoire donc qu'il sort. Donc il sort la zakat concernant ce qu'il a sorti. Et quel est le montant qu'il doit sortir? C'est rubu al-ushr. C'est 2,5%. C'est la même quantité que pour l'or et l'argent. Et que pour aussi maintenant les monnaies contemporaines qui remplacent l'or et l'argent dans les transactions financières. Il dit aw ma qimatuhu dhalik. Donc tout ce qui a la valeur du seuil de l'or ou bien de l'argent, la personne est redevable de la zakat. Il dit min al-jawahiri, donc que ce soit des pierres précieuses, ou il kuhli, ou bien le kuhl, ça en français ils appellent ça l'antimoine, parce qu'il n'y a pas le kuhl qu'on utilise là dans pour nos yeux, ça se trouve pas comme ça dans la terre, et l'antimoine c'était utilisé dans le kuhl avant pour faire ce qu'on appelle le kuhl maintenant, ou il soufre, c'est-à-dire un nouhas, ou bien le cuivre, ou le hadid, ou bien du métal, ou bien toute autre chose. Tout ce que tu pourrais sortir de la terre et qui a de la valeur. Fa'alayhi zakat, alors on doit sortir la zakat. De même le pétrole. Le pétrole, aujourd'hui maintenant, on extrait ça. Si jamais c'est le pétrole de l'État, alors ça doit être dépensé dans le masalih ou l'amma, dans les intérêts généraux, mais pas dans la poche du gouverneur. Et si jamais c'est quelqu'un qui a ses gisements à lui de pétrole, il doit sortir la zakat de 2,5%. Donc pourquoi est-ce que l'on sort 2,5%? Quelle est la preuve de cela? C'est le qiyas, hein, le raisonnement sur l'athmen, les monnaies, l'or et l'argent. Il dit voilà, yukhriju illa ba'da as-sabki wa at-tasfiya. Et on ne doit sortir donc la zakat de ces choses-là qu'après les avoir épurées. Quand on sort de l'or, de l'argent, ou bien du cuivre, du fer, etc., du plomb, toutes ces choses-là, tous ces matériaux-là, c'est une fois qu'on les a épurés, qu'on a enlevé les roches qui sont accrochées, la terre, et qu'il ne reste que ce matériel-là de manière pure, alors à ce moment-là, on doit sortir la zakat. Et on doit sortir la zakat de ce que l'on a extrait. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. Et il n'y a rien concernant al-lu'lu, ça c'est les perles, souvent que l'on trouve en milieu marin. Wal-marjan, c'est le corail. Wal-anbar, l'ambre. Donc l'ambre, quand on cherche aujourd'hui de manière contemporaine, il y a plusieurs types d'ambre. Mais à l'époque, donc les savants, donc les fuqaha, ils divergent eux-mêmes sur qu'est-ce que al-anbar. Il y en a qui disent c'est nabatul bahr. C'est quelque chose qui pousse dans la mer. D'autres disent c'est Rauth ou Qay ou Ba'di Dawab al-Bahr. D'autres disent que c'est les excréments ou bien le vomi. Donc ça va être des sécrétions de certaines bêtes aquatiques. Donc ça va être des poissons. Donc concernant al-lu'lu, les perles, al-marjan, le corail, al-anbar, l'ambre, et al-misk, le musc, il n'y a pas de zakat là-dedans. Pourquoi? Parce que ça ne sort pas de la terre. Car ça ne sort pas de la terre. Et il y a en plus le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce n'est pas un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit laysa fil anbari zakat. Il n'y a pas concernant l'ambre de zakat. Rapporté par l'imam Shafi'i, Abd al-Razzaq ibn Abi Shayba, Abu Ubaid, et sa chaîne de transmission elle est authentique. Al-Hafidh ibn Hajar l'a authentifié dans son livre At-Talkhis. Il dit wala shay'a fi sayd al-bahri wala shay'a fi sayd al-barri wal-bahr. Là on a dit wal-misk, et il y a certaines versions de al-umda où il dit was-samak. Was-samak, al-misk, et dans d'autres versions as-samak. Mais la version qui dit al-misk, elle est plus intéressante parce que al-misk n'entre pas dans ce qui va être cité après, mais en revanche as-samak, donc le poisson, ça entre dans ce que l'on va dire maintenant. L'auteur dit wala shay'a fi sayd al-barri wal-bahr, et il n'y a rien concernant donc ce que l'on a chassé sur terre ou bien dans la mer. Donc dans la mer c'est le poisson. Donc lorsqu'on pêche du poisson, quelle que soit la quantité, est-ce qu'il y a zakat? Bon, sauf si on veut vendre, après c'est urut tijara là, d'accord? Si on veut vendre, ça rentre dans urut tijara. Mais je ne veux pas vendre, c'est pour manger. J'en ai pêché beaucoup, hein, je congèle à la maison et je les garde. Je sors la zakat? Non, je ne sors pas la zakat. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est qu'il n'y a pas zakat et il faut un texte. Et nous, le texte qui nous a permis de statuer de la zakat concernant ce qui précédait, c'est la parole d'Allah, « Wa mimma akhrajna alakum min al-ardi ». Est-ce qu'on a fait sortir pour vous de la terre? Mais de la mer, il n'y a pas à la base de zakat, sauf si jamais c'est une marchandise. Donc il n'y a rien, c'est-à-dire pas de zakat concernant ce que l'on chasse en terre ou bien que l'on pêche en mer. Et la majorité des savants sont en accord là-dessus. Il va passer ensuite à un autre type donc, qui sort de la terre, et c'est ce qu'on appelle al-rikaz. Al-rikaz. Il dit, rahmatullahi alayhi, wa fil rikaz il khumus. Et dans Al-Rikaz, le cinquième. Al-Rikaz, sa définition dans le fiqh, c'est huwa ma wujida min dafn al-jahiliya. C'est ce que l'on trouve comme trésor de la jahiliya. Donc c'est ce que l'on trouve comme trésor de la jahiliya. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux musulmans. Bon, aujourd'hui, ça, c'est rare, mais dans les époques, ça existait, notamment quand les gens creusaient la terre ou la cultivaient, il se pouvait qu'ils trouvaient quelque chose. Et qu'est-ce que l'on fait de ce trésor que l'on trouve? Et ça peut être toute forme de bien. Ça peut être toute forme de bien qui a une valeur, hein, qui a une valeur. C'est pas obligatoirement un coffre, même si nous, de manière générale, on pense à un coffre avec des pièces d'or, etc. Parce que c'est l'image générale que l'on en a. Mais on va voir que ça peut prendre d'autres formes. Donc, concernant Erikez, il faut que l'on sorte le cinquième, quel que soit ce bien-là. Donc, comment est-ce que ça devient un Erikez? Comment est-ce que ça devient un trésor, donc pré-islamique? C'est lorsqu'il y a un signe, montrant que ça appartient aux mécréants. Donc un signe de leur roi, un signe de leur symbole, de leur pays, de leur drapeau, de leur monnaie, etc. Si jamais il n'y a pas de signe, et ou bien il y a un signe des musulmans, donc des rois musulmans, il y a écrit Allahu Akbar dessus, il y a la shahada, ou un autre insigne que l'on sait, qui était l'insigne d'un pays musulman, alors à ce moment-là, ce n'est pas un rikez. Ça prendra le statut de luqata, d'objet trouvé. Et l'objet trouvé, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit yu'arrifu hasana. Il faut donc faire une annonce pendant un an que l'on a trouvé ça. Si le propriétaire vient, on lui rend. Et si jamais il ne vient pas, ça nous appartient. Donc qu'est-ce qu'un rikez a compris? C'est ce que l'on a trouvé comme trésor qui n'appartient pas aux musulmans. Et qu'est-ce qu'on veut dire par « n'appartient pas aux musulmans » C'est qu'il y a un signe dessus que ça appartenait donc aux mouchérikines, que ça n'appartient pas aux musulmans. Si jamais il y a un signe des musulmans ou pas de signe, ça appartient aux musulmans. Donc il dit « wa fil rikaz il khumus ayyinaw in kana min al-mal » quel que soit le type de bien. Ensuite, les savants ont divergé sur « rikaz », est-ce que c'est en réalité ça entre dans « al-zakat » ou bien dans « al-fay » dans Al-Fay. Et Al-Fay, c'est ma ukhidha bihaqqin min al-kuffari dun qital. C'est ce que l'on a pris comme bien, par droit de chez les mécréants sans avoir combattu. Donc c'est un bien qu'on a pris des mécréants sans combat. Alors que Al-Ghanima, c'est lorsqu'il y a eu combat. Donc c'est le butin, mais sans combat. Al-Ghanima, c'est lorsqu'il y a eu combat et qu'ils sont partis, qu'ils ont laissé, on a récupéré. Et on a pris de force. Mais lorsqu'il n'y a pas eu combat, on appelle ça Al-Fay. Et Allah a'lam al-rikaz, ça entre dans Al-Fay. Et non pas en réalité dans Al-Zakat. Non pas dans Al-Zakat. D'abord parce que on en donne le cinquième. Et c'est la quantité, le taux que l'on donne aussi pour Al-Fay. Ça, on le trouve dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il est dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim. Wa fil rikaz il-khumus. Et dans le rikaz, il-khumus. Donc dans le trésor des mécréants. Le cinquième. Donc le Al-Fay, qui est donc le butin obtenu sans combat, il a une forme de dépense. On le coupe. Donc ce cinquième, on le coupe en cinq. Et après ce cinquième-là, que l'on va donner en zakat, on le coupe lui aussi en cinq. Et il y aura un cinquième pour Allah et son prophète. Donc ça, c'est pour l'État musulman. Il va être dépensé donc pour Masalih al-Muslimin, pour les intérêts généraux des musulmans. Et il y a un khumus, un autre cinquième, pour la famille du prophète alayhi salatu wassalam, un autre cinquième, les fuqara et les yatama, les fuqara, donc pour les pauvres, les orphelins, et un khumus pour le masakin, c'est aussi les pauvres. On a vu la différence entre le masakin et le fuqara, on va le revoir d'abord dans Zakat al-Fitr, wa khumus l'ibn Sabil, et un cinquième pour l'ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est celui qui est de passage, qui va à destination, mais qui n'a plus de quoi poursuivre son voyage. On appelle ça Ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est le fils du sentier, le fils de la route, linguistiquement. Ça veut dire qu'il n'a plus rien. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, parce qu'il est maintenant en chemin et il n'a pas de quoi continuer. Et ça, c'est une catégorie à laquelle on peut donner la zakat. Et notamment ici aussi, Al-Fay. Et Al-Rikaz, donc le trésor des mécréants, Allah a'lam, le plus authentique, c'est que ça entre dans le Fay et non pas zakat. Il dit « wa baqihi li wajidi » et le reste, c'est pour la personne qui l'a trouvé. Donc les 4 cinquièmes restants de ce trésor-là, un cinquième, tu fais quoi? Un cinquième, tu le divises lui-même en 5 et tu donnes aux 5 catégories données. On les trouve dans Surat al-Hashr. Surat al-Hashr, il y a ces 5 catégories, ces cinq catégories-là. Allah dit « ma afa Allahu ala rasulihi » min ahli al-qura fa lillahi wa lir-rasul wa li dhil-qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Dans ce verset là, Allah donne les 5 catégories auxquelles on doit donner al-fay. Ma afa Allahu ce que Allah a donné comme fait, comme butin, sans bataille à son messager. Alors vous devez les dépenser comme ceci et comme cela. Et donc ce premier cinquième, on le coupe en cinq et on le dépense de cette manière, et les quatre cinquièmes, ils sont à toi. Donc voilà, on a terminé ce chapitre-là. Donc ce sont les grandes bases. Après les furu', les ramifications, elles sont quasiment sans fin. On les retrouve soit dans les mutawwalat, soit dans les grandes encyclopédies du fiqh musulman, ou bien à travers les fatwas, à travers les fatwas des savants, en posant les questions aux shuyukh, hafidhahum Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.